الله الرحمن الرحيم الطلاق البدعي يا إسماعيل كيف يكون؟ Le divorce innové. Comment on pourrait le définir? Celui qui ne respecte pas certains cas. C'est celui qui est en contradiction avec la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Qui peut être plus précis? Ah, Moussa. Il y a des conditions qui n'ont pas été respectées. Ah, Ali. Celui qui divorce sa femme alors que celle-ci est en période de menstrue. Non. Ou Yamaka qui vient d'avoir un rapport avec elle il y a pas longtemps. Voilà. Ou celui qui divorce sa femme après avoir eu un rapport avec elle récent. C'est-à-dire, quand on dit récent, c'est qui n'est pas séparé par une période de menstrue. Donc dans ces deux cas, et dans l'autre pour celui qui est en polygamie, dans ces deux cas, majoritairement parlant, il est formellement interdit à l'homme de divorcer son épouse. S'il le fait, il prend un péché, ça c'est sûr, il n'y a pas de khilaf là-dessus. Mais maintenant, est-ce que le divorce il est compté comme un divorce, ou bien il est tout simplement caduque comme si rien ne s'était passé? Ah, Hadj Ahmed. Le divorce qu'il a eu à Minerva, il compte comme un divorce. Naam. Certains l'ont compté comme un divorce. Pourquoi? Parce que Ibn Omar, dans le hadith, il dit « وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ الطَّلْقَةِ » Et ceci a été compté contre moi comme étant un premier divorce. Naam. Bon, ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Que même si c'est un talak bid'i, il est compté. Lakin, certains autres savants ont choisi un autre avis qui est... Mahmoud, c'est quoi notre avis? Hein, Mohamed? Il n'est pas compté. Il n'est pas compté. Qui sont ces savants? Aïwa, ahsant, man amila amalan, amalan, laysa alayhi amruna fawarat. Donc ces savants-là, on va les citer, ou on va en citer quelques-uns. Ils se basent sur le hadith, comme a dit Mohammed, jazallahu khaira. Ils se basent sur le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où il dit: celui qui œuvre par une œuvre qui n'est pas conforme à mon ordre, cette œuvre sera rejetée, caduque. Et ça, c'est vraiment un avis très très pertinent. En vue de tout ce qu'on a vu sur l'importance du mariage, sur la préservation de l'union entre l'homme et la femme, on était revenu sur notre avis et on a préféré suivre cet avis-là. C'est-à-dire, pour nous, l'avis le plus juste, c'est le fait que ce divorce-là n'est pas compté. Non. قال باب الوكالة في الطلاق عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. Donc là on va voir un chapitre qui concerne Al-Wakala fi Talaq. Al-Wakala, comment on pourrait définir Al-Wakala, Muslim? Voilà, la procuration, Ahsan. La procuration dans le Talaq. Ça veut dire que tu confies quelqu'un pour aller transmettre à ta femme qu'elle est divorcée. Est-ce que ça se fait fil l'islam? Naam. Comme on va le voir dans ce hadith. Donc le hadith, il commence par dire que c'est un hadith de Fatima bint Qais qui dit que cette femme-là a été mariée avec Aba Amr ibn Hafs et que celui-ci l'a divorcée 3 fois. C'est-à-dire 3 fois séparément. Et lors du troisième divorce, il était absent. Lors du troisième divorce, il était absent et s'est contenté de lui envoyer son son remplaçant. On va dire ça comme ça. Taïb, Wakilo. Et il l'a envoyé avec, en guise de compensation, si je puis dire, en guise de compensation, il l'a envoyé avec un sac de blé. Taïb. Et lorsque il est venu, cet homme-là, il s'est présenté à cette femme-là, avec le sac de blé, bon, pour lui dire qu'elle est divorcée, Mada, et lorsqu'il lui a tendu le sac de blé, elle s'est énervée. Elle s'est énervée, wa alaykoum salam. Elle s'est énervée contre cet homme. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait qu'elle méritait plus qu'un sac de blé. Non. Fasakhitathu. Non. Donc elle s'est énervée et de surcroît, elle a mis en colère cet homme-là qui avait envoyé ou qui l'a divorcé. Donc lui, il lui a répondu: Wallahi ma laki alayna min shay. Il lui a juré par Allah Azza wa Jal, donc ce compagnon lorsqu'il l'a divorcé et qu'il lui a envoyé ce sac de blé qu'elle n'a pas apprécié, qu'elle lui a renvoyé peut-être une parole qu'il n'a pas appréciée. Al-Muhim, il lui a dit, il lui a juré par Allah que elle n'a rien et elle ne mérite rien. Elle n'a aucun droit sur lui. C'est un droit de dépense. Donc ce compagnon, il lui dit, voilà, là c'est le troisième divorce qu'il y a. Khalas, moi si je t'ai envoyé ça, c'était pas bonté de ma part. Mais je te dois rien. C'est ça, معنى الكلمة. تمام؟ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. Et donc cette femme-là, lorsqu'elle a entendu cette parole-là de son ex-mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée voir le prophète عليه الصلاة والسلام. Et ça, c'est ce qui l'incombe à tout un chacun hier, quoi. De ne pas laisser parler les sentiments, de ne pas laisser parler la colère, de ne pas laisser parler mada les passions, et de revenir إلى الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si vous disputez dans une chose, ramenez cette chose-là à Allah Azza wa Jal ainsi que à son messager. C'est-à-dire ramenez-la au livre d'Allah, le Coran, et à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc cette femme-là, lorsqu'elle a entendu que elle n'a plus de droit sur son époux, elle s'en est étonnée. Donc elle est partie voir le prophète alayhi salatu wa salam afin de confirmer cela ou de démentir cela, afin qu'il confirme ou qu'il démente cela. Faqala sallallahu alayhi wa sallam laysa laki nafaqatun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à cette femme là tu n'as plus le droit à la moindre dépense. C'est à dire ton mari, du moment qu'il t'a divorcé 3 fois, c'est maintenant il est plus ce n'est plus obligatoire sur lui de dépenser pour toi à partir du troisième talak. فَأَمَرَهَا أَن تَعْتَدَ فِي لَفْذٍ. Et dans une version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute وَلَا سُكْنَة. Tu n'as même plus droit aussi à l'habitation. C'est-à-dire que s'il la divorce 3 fois et qu'elle vivait sous son toit, alors à partir de là, à partir du troisième divorce, elle doit quitter le foyer conjugal, qui n'est plus le sien d'ailleurs. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, il a demandé à cette femme-là, فَأَمَرَهَا أَن تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ. Donc le prophète, il a demandé à cette femme-là de passer sa période de viduité en dehors de cette maison, et d'aller la passer chez une femme qui s'appelle Oumou Sharik. Est-ce que vous avez entendu parler de Oumou Sharik, Juan? On en a déjà parlé dans un dars. Lakin man yaskur. Oumou Sharik, elle fait partie des femmes savantes. Des femmes savantes. Et il a été dit qu'elle fait partie des femmes qui se sont proposées au prophète d'Allah Azza wa Jal. Il a été dit qu'elle fait partie des femmes qui se sont proposées au prophète d'Allah Azza wa Jal afin qu'il les marie, sans la moindre dot. Tamam. Comme cela a été permis au prophète alayhi salatu wassalam, spécifiquement. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné à cette femme de passer sa période de viduité chez la femme évoquée. ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذينني. نعم. Donc ensuite le prophète sallam il a réfléchi et s'est dit, en fait tu ne vas pas aller dans la maison de cette femme là pourquoi? Parce que c'est une femme dans la maison de qui rentre dans la maison de qui rentrent énormément de mes compagnons. Pourquoi les compagnons se rendaient chez cette femme-là? Pour la science. Pour prendre sa science. Et il ne faut pas comprendre de cela que c'était qu'il y avait une mixité. Une mixité dangereuse. Non. Mais au contraire, on se doit de penser du bien de ses compagnons et que la science qui prenait d'elle n'était que derrière un voile, derrière un rideau, derrière un voile. Na'am. Ala kulli hal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que bon nombre d'hommes pouvaient entrer dans cette maison, il a préféré changer de maison pour cette femme-là. Et il lui a demandé d'aller passer sa période de viduité chez Abdallah ibn Ummi Maktoum, qui est le... C'est qui Ryan Abdallah ibn Ummi Maktoum? Allah alama. C'est le Mouaddin. Un des deux Mouaddin du prophète alayhi salatu wassalam. Un des deux célèbres Mouaddin du prophète alayhi salatu wassalam. Et lui il était aveugle. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, du fait qu'il est aveugle, il s'est dit, ou il a dit clairement dans le hadith, passe ta période de viduité chez lui car tu pourras enlever tes vêtements, te déshabiller sans être dans une gêne. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et une fois que tu auras dépassé ta période, tu seras sorti de ta période de viduité, alors informe-moi. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاويه ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. Donc lorsqu'elle est sortie de sa période de viduité, elle est venue trouver le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant qu'elle a été demandée en mariage par deux hommes. Est-ce que c'est permis, Juan, de demander une femme alors que un autre est en train de la demander? Hein? C'est pas permis. Taïb, là, alors comment vous expliquez que là, elle dit, il y a deux hommes qui m'ont demandé. Ils ne se connaissaient pas, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne savaient pas que l'un avait demandé la main de cette femme-là. Donc, dans ce cas-là, ils sont pardonnés. Et donc, c'est pourquoi la femme, elle est revenue auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant, Mouawiya m'a demandé, et aussi Abu Jahm. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cette femme-là, il lui a dit, Abu Jahm, c'est quelqu'un qui ne laisse pas son bâton tomber de son épaule. Ça veut dire quoi ça, Yahya? Il a du caractère. Voilà, ils disent que c'est quelqu'un qui soit frappé beaucoup ses épouses, ou soit voyagé beaucoup. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a averti. Et là, on voit qu'il n'y a pas de mal, hier, quoi. Si on vous demande conseil sur une personne, surtout pour le mariage, hein, il n'y a pas de mal de l'évoquer parce que vous voyez. Si vous voyez qu'il ne convient pas à la situation, la baisse. Lakin bi ghayr hasad. Bi sidq. Bi ikhlas. Wa bi adl. Sans dire des paroles... En étant épris de jalousie. Non, il faut dire des paroles justes, pleines d'équité, mais avec véracité. Il ne faut pas hésiter. Le prophète, sallam, là, sur ce point-là, il n'a pas hésité à critiquer ses deux compagnons. Donc lui, Abu Jahm, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de soit frapper ses épouses, ou soit voyager beaucoup, de surcroît laisser ses épouses pendant un grand laps de temps. Ouais, mais Mouawiya, et en ce qui concerne Mouawiya, elle était très pauvre. Et est-ce que le mariage, Ikhwan, le fait d'être pauvre, est-ce que c'est un problème pour le mariage? Hein? C'est pas un problème. Mais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: "Fasalu kun la mala la." Il est pauvre. La femme, c'est parce qu'il connaissait la femme. Parce que ça dépend de la femme. Il y a des femmes qui peuvent patienter sur le walaché. Et il y en a d'autres, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et là, on voit que la parole du tuteur, en l'occurrence, là, c'est le prophète, alayhi salatu salam, lakin le père, il connaît sa fille. Il sait sur quoi elle peut patienter, sur quoi elle ne peut pas patienter. Ça veut dire qu'il est en droit. Il est en droit, le tuteur. Non, on termine sur ça, Inch'Allah. Il est en droit, le tuteur, de choisir pour sa fille quelqu'un qui dont la situation, il juge que sa situation est plus appropriée pour sa fille. Certains parents yajtaritun kama ta'lamun an alladhi yataqaddam fi hadha al-amr lahu 'amal. Certains conditionnent que celui qui conditionne au prétendant qu'il ait un travail. D'autres ils vont conditionner qu'il a un travail et un appartement. Voilà. Ça, c'est des choses, c'est des conditions. C'est on ne peut plus basique. Ça, c'est vraiment les conditions les plus basses. Amal ou abeit. En vérité, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Tout ce qu'il y a de plus normal. Regardez, là, le prophète, il dit Sa'loukoun la malala. Sa'loukoun. Il lui dit, il lui conseille, en fait, il met en garde cette femme-là, ne te marie pas avec lui parce qu'il n'a rien. Il n'a rien. Mithla hadhihi shurut, le fait que le tuteur ou le père ou autre, il conditionne que le prétendant est un travail ou est mada, et une quelconque situation, appartement ou là, il y a la basse. C'est pas quelque chose de mon cas. C'est pas quelque chose de blâmable, c'est pas quelque chose de... Regardez, là, le prophète, il insiste sur ce point-là. Tamam ? Donc, c'est pas quelque chose de blâmable. Naam. وَالَّذِي يَقْبَلْ وَالَّذِي يَتَقَدَّمْ فِي أُمُورِ الزَّوَاجِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِينْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et celui qui s'avance vers les affaires de mariage, il se doit de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal et de s'efforcer de faire les causes pour aller jusqu'au bout de son affaire. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a déconseillé ces deux hommes. Ensuite il lui a dit « Walakin inkihi Usama ibn Zayd fakarihatu » Mais ensuite il lui a dit « Mais marie-toi à Usama ibn Zayd » Et elle a détesté cela. Tamam. Pourquoi elle a détesté cela, Ismaïl? Pourquoi elle a détesté se marier avec Usama ibn Zayd? Non, par rapport à son physique et sa lignée. Parce que comme vous le savez, Usama ibn Zayd, c'est le fils de Zayd ibn al-Haritha, qui n'était autre que l'ancien esclave du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc c'est le fils d'un ancien esclave. Naam. Et de surcroît, il était de couleur noire de peau. وهذه امرأة بيضاء عربية من قريش. فذكروا في شرح الحديث أنها كانت تكره هذا النكاح بسبب هذا. Donc il a été évoqué dans l'explication du hadith qu'elle a réfuté ou qu'elle a détesté en premier lieu s'avancer dans cette affaire par rapport à ces, aux raisons qu'on vient de citer. Tamam. Thumma qala inkihi Usama ibn Zayd. Inkihi Usama ibn Zayd. Et ensuite le prophète alayhi salatu wasalam, malgré qu'il ait compris d'elle qu'elle était réticente, il lui a réaffirmé marie-toi à Usama ibn Zayd. Et là il y a une faïda azim, ya ikhwan, c'est que le tuteur des fois il peut insister sur une personne. Il peut insister sur une personne et que la fille sous sa tutelle, peut-être elle ne va pas voir la portée ou la grandeur du bienfait qu'il y a en cette personne-là. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala bassara al-wali. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une clairvoyance au tuteur. Na'am. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, il a insisté un temps soit peu. فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِيهِ خَيْرًا وَاخْتَبْتُ بِهِ. Na'am. Et donc, à la suite du rappel du prophète, alayhi salatu wa salam, donc cette femme a accepté de se marier avec Usama ibn Zayd. Et dès qu'elle a accepté de se marier avec Usama ibn Zayd, elle dit, cette femme-là, elle dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son mariage avec cet homme-là énormément de bien et qu'elle a été enviée dans le bien. Elle a été enviée dans le bien. Sa situation avec cet homme-là était on ne peut plus merveilleuse. Na'am. فَلِهَذَا يَا أَخْوَانَ عَصْرًا قَدْ أَطَلْنَا وَإِلَّا هَذَا الْحَدِيثِ يَحْتَاجِ إِلَى شَرْحْ طَوِيلْ جِدًّا وَلَعَلَّا نَأْخُذُهُ فِي دَرْسٍ قَادِمٍ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ